Chapitre 24. Verruca dans la salle aux noix. Monsieur Wonka se remit à galoper le long du corridor. La salle aux noix, disait l'écriture de la porte suivante. Parfait, dit Monsieur Wonka. Arrêtez-vous ici quelques secondes pour souffler et jetez un coup d'œil par la vitre de cette porte. Mais surtout n'entrez pas. Quoi qu'il arrive, n'entrez pas dans la salle aux noix. Vous risquez de déranger les écureuils. Ils s'attroupèrent devant la porte. Oh, regarde, grand-papa, regarde! Cria Charlie. Des écureuils! Cria Verruca Salt. Ça alors! Dit Mike TV. Le spectacle était fascinant. Une centaine d'écureuils étaient juchés sur de hauts tabourets autour d'une grande table. Sur la table, il y avait des tas et des tas de noix, et les écureuils travaillaient comme des forcenés. Ils décortiquaient les noix à une vitesse incroyable. Des écureuils ont été entraînés exprès pour décortiquer les noix, expliqua Monsieur Wonka. Pourquoi des écureuils? Demanda Mike TV. Pourquoi pas des Oompa Loompa? Parce que, dit Monsieur Wonka, les Oompa Loompa n'arrivent pas à sortir les cerneaux de leurs coquilles sans les casser. Seuls les écureuils sont capables de les conserver intacts. C'est extrêmement difficile. Or, dans ma chocolaterie, je tiens beaucoup à n'utiliser que des noix entières. C'est pourquoi j'ai recours à des écureuils. Ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Voyez leurs gestes, et voyez comme ils frappent d'abord la coquille du doigt pour s'assurer que la noix n'est pas pourrie. Les noix pourries sonnent creux. Et alors, pas la peine de les ouvrir. Ils les jettent à la poubelle. Là, regardez. Regardez bien le premier écureuil. Je pense qu'il est tombé sur une mauvaise noix. Tous les regards étaient posés sur le premier écureuil qui frappait de la patte la coquille. Il pencha la tête d'un côté, écouta attentivement, puis soudain, il lança la noix par-dessus son épaule, dans un grand trou par terre. « Maman !» cria soudain Verruca Salt. « Je veux un écureuil, c'est décidé. Achète-moi un de ces écureuils !» « Ne dis pas de sottises, ma chérie !» dit Madame Salt. « Ils sont tous à Monsieur Wonka !»« Je m'en moque !» hurla Verruca. « J'en veux un. Je n'ai à la maison que 2 chiens, 4 chats, 6 lapins, 2 perruches, 3 canaris, 1 perroquet vert, 1 tortue, 1 bocal plein de poissons rouges, 1 cage pleine de souris blanches et 1 vieux hamster complètement gaga. Je veux un écureuil !»« Très bien, mon chou !» lança Madame Salt. « Maman t'offrira un écureuil le plus tôt possible !» « Mais je ne veux pas un écureuil quelconque !» hurla Verruca. « Je veux un écureuil entraîné !» À cet instant, Monsieur Salt, le père de Verruca, fit un pas en avant. « Eh bien, Wonka !» dit-il présomptueusement en sortant un portefeuille plein d'argent. « Combien voulez-vous pour l'une de vos sacrées bestioles? Quel est votre prix ?»« Mes écureuils ne sont pas à vendre !» répondit Monsieur Wonka. « Elle n'en aura pas !»« Comment je n'en aurai pas ?» hurla Verruca Salt. « Qu'est-ce qui m'empêche d'aller m'en chercher un tout de suite ?» « N'y va pas !» intervint aussitôt Monsieur Wonka. Mais trop tard. Déjà la fillette avait ouvert la porte pour se précipiter dans la salle. À l'instant même, les 100 écureuils cessèrent de travailler et tournèrent la tête pour la dévisager de leurs petits yeux de jais. Verruca s'arrêta à son tour pour les regarder, puis son choix se fixa sur un joli petit écureuil non loin d'elle. Au bout de la table, l'écureuil tenait une noix entre ses pattes. « Bien !» dit Verruca. « Je t'aurai !» Elle étendit les mains pour attraper l'écureuil, mais aussitôt, en une fraction de seconde, alors qu'elle avançait seulement les mains, il y eut soudain un remue-ménage éclair dans la salle. Un remue-ménage tout roux, et tous les écureuils quittèrent d'un bond la table pour atterrir sur le corps de Verruca. 25 écureuils prirent possession de son bras droit et l'attachèrent. 25 autres s'emparèrent de son bras gauche pour l'attacher d'eux-mêmes. 25 s'abattirent sur sa jambe gauche et la clouèrent au sol. 24 en firent autant pour sa jambe droite. Enfin, l'unique écureuil encore inoccupé, le chef de toute évidence, grimpa sur l'épaule de Verruca et se mit à frapper, toc toc toc, la tête de la malheureuse petite fille. « Sauvez-la ! » hurla Madame Salt. « Verruca, reviens ! Qu'est-ce qu'ils lui font ?»« Ils l'examinent pour voir si elle est une noix pourrie !» dit Monsieur Wonka. « Regardez !» Verruca se débattait furieusement, mais les écureuils la serraient de trop près. Impossible de bouger. Celui qui était juché sur son épaule continuait à taper sur sa tête. Puis tout à coup, les écureuils renversèrent Verruca et se mirent à la traîner par terre, tout le long de la salle. « Bonté divine ! Elle est une noix pourrie !» dit Monsieur Wonka. « Sa tête a dû sonner bien creux !» Verruca gigota et brailla. Rien à faire. Les petites pattes vigoureuses la serraient très fort. Impossible de fuir. « Où l'emmène-t-il ? » hurla Madame Salt. « Là où vont toutes les noix pourries !» dit Monsieur Wonka. « Au vide ordure !»« Ça alors ! Il la jette dans un trou !» dit Monsieur Salt, qui observait sa fille à travers la porte vitrée. « Qu'est-ce que vous attendez pour la sauver ? » cria Madame Salt. « Trop tard, dit Monsieur Wonka. Elle est partie, et c'était vrai. Mais où est-elle ? Hurla Madame Salt en gesticulant comme une folle. Que fait-on des mauvaises noix ? Où conduit ce vide ordure ? Le vide ordure en question, dit Monsieur Wonka, aboutit directement à l'égout qui charrie tous les détritus de tous les coins de mon usine. Toute la poussière, toutes les épluchures de pommes de terre, les feuilles de choux pourries, les têtes de poisson, et j'en passe. Qu'est-ce qui mange du poisson, des choux et des patates dans cette chocolaterie ? Je voudrais bien le savoir, dit Mike TV. Moi, naturellement, dit Monsieur Wonka. Où crois-tu que je me nourris de grains de cacao ? Mais, cria Madame Salt. Où finit cet égout ? À la fournaise, voyons, dit calmement Monsieur Wonka. À l'incinérateur ! Madame Salt ouvrit sa grande bouche rouge et poussa un cri perçant. Ne vous tourmentez pas, dit Monsieur Wonka. Il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas allumée aujourd'hui. Des chances ? Hurla Madame Salt. Ma pauvre petite Veruca, elle sera grillée comme une saucisse. Très juste, ma chère, dit Monsieur Salt. Maintenant écoutez-moi, Wonka, ajouta-t-il. Je pense que vous allez un tout petit peu trop loin. Que ma fille soit une vraie petite peste, je veux bien l'admettre. Mais ce n'est pas une raison pour la faire rôtir au four. Je suis extrêmement indigné et fâché. Oh, ne vous fâchez pas, cher monsieur, dit Monsieur Wonka. Je suppose qu'elle remontera tôt ou tard. Peut-être n'est-elle pas descendue du tout. Elle a pu rester coincée dans la glissière, juste au-dessus du trou. Et dans ce cas, il vous suffirait d'y entrer pour la tirer de là. À ces mots, Monsieur et Madame Salt se précipitèrent tous deux dans la salle aux noix. Ils coururent vers le trou et se penchèrent dessus. « Veruca ! » cria Madame Salt. « Es-tu là ?» Pas de réponse. Afin de mieux voir, Madame Salt se pencha plus avant. Maintenant, elle était agenouillée à même le rebord du trou, la tête baissée, son énorme derrière en l'air comme un champignon géant. Position plutôt dangereuse. Il suffisait de la pousser un peu, de lui donner une toute petite tape au bon endroit, et c'est exactement ce que firent les écureuils. Elle tomba la tête la première en poussant des cris de perroquet. « Bonté divine !» dit Monsieur Salt, en voyant dégringoler sa volumineuse épouse. « Ce qu'il y aura comme déchets ce soir !» Et elle disparut dans le trou sombre. « Tu te plais là-bas, Angine ? » s'exclama-t-il tout en se penchant un peu plus avant. Les écureuils surgirent derrière son dos. « Au secours !» hurla Monsieur Salt. Mais déjà, il tombait la tête la première, pour disparaître dans la glissière, succédant à sa femme et à sa fille. « Oh, mon Dieu !» cria Charlie, qui assistait avec les autres à la scène, derrière la vitre. « Que vont-ils devenir maintenant ?»« Je pense que quelqu'un les attrapera au pied de la glissière, » dit Monsieur Wonka. « Et le grand incinérateur ?» demanda Charlie. « Il ne l'allume qu'un jour sur deux, » dit Monsieur Wonka. « C'est peut-être un jour sans, on ne sait jamais. Ils peuvent avoir de la chance. » « Chut !» dit grand-papa Joe. « Écoutez-les, ils chantent encore !» Au loin, à l'autre bout du corridor, les battements de tambour se firent entendre. Puis vint la chanson. « Veruca Salt !» chantèrent les Oompa Loompa. « Veruca Salt, l'horrible enfant ! V'là qu'elle descend le toboggan ! Aussi avons-nous cru bien faire, afin de régler cette affaire, qui nous causait tant de tourments, d'expédier aussi ses parents. Veruca se volatilise, et il faut bien qu'on vous le dise. Il se peut bien qu'elle connaisse des amis d'une toute autre espèce, des amis bien moins raffinés que ceux qu'elle vient de quitter. Voyez la tête de Morue, qui au passage la salue. En descendant ce tuyau sombre, elle fera bien d'autres rencontres. Des auroniers, du larmoisi, de vieux croutons de pain rassis, un steak dont on n'a pas voulu, un camembert tout vermoulu, une coquille d'huître triste à voir, un bout de saucisson tout noir, des noix pourries à chaque pas, de la sciure au pipi de chat. Tout ça galope et s'enchevêtre, en pestant à 3 kilomètres. Tels sont les amis délicats qu'aura rencontré Veruca, en descendant à son passage. Vrai pour une enfant de son âge. Direz-vous, c'est un bien triste sort. C'est juste, vous n'avez pas tort. Car bien qu'elle soit insupportable, elle n'est qu'à moitié coupable. Et c'est pourquoi, à voix haute, on vous demande à qui la faute. Car, et c'est loin d'être un problème, on ne se gâte pas soi-même. Qui donc a fait de Veruca le petit monstre que voilà ? Hélas, hélas, ne cherchez pas. Ils sont tout près, les scélérats. Ah, c'est bien triste à dire. Vraiment, ils en ont papa et maman. Lève-la en route pour la fournaise, la solution n'est pas mauvaise.